Demain soir, ce sera l'un des temps forts de la semaine, la cérémonie d'entrée de Joséphine Baker au Panthéon, première femme noire dans ce qu'on a coutume d'appeler le temple des grands hommes. Des personnages de couleur distingués, honorés. Cet automne, le prix Goncourt a été décerné au Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr. Et le Goncourt n'a pas attendu 2021. Il y a un siècle, 1921, le Goncourt, Jean Lebrun, était décerné pour la première fois à un noir, René Maran. Paris, c'était alors la capitale d'Europe qui abritait le plus de noirs. 3 ou 5 000, bon, c'est pas beaucoup, mais c'est davantage qu'ailleurs. Et tel ou tel pouvait connaître les honneurs. Cette même année, 21, le colonel guadeloupéen Sostel Mortonol était le héros d'une prise d'armes aux Invalides. Il avait été le premier noir reçu à Polytechnique et le président MacMahon l'avait hélé. « C'est vous le nègre ?»« Oui. Continuez !» Et Mortonol avait persévéré jusqu'à recevoir la cravate de commandeur de la Légion d'honneur. En 21 encore, Maran, Guyanais, né sur le bateau qui menait sa mère en Martinique, a reçu le Goncourt, donc pour un livre écrit en Afrique équatoriale française, celle qu'on surnommait la Cendrillon de l'Empire. Batoila, le sous-titre indiquait véritable roman nègre. On ne lésinait pas sur le mot à l'époque. Batoila, c'est un chef africain que Maran peint avec sympathie, toutefois en homme d'émotion plus que de raison. S'il était un homme de raison, Boitala travaillerait davantage comme le lui demandent les colons. Alors pressentant peut-être que le Goncourt 2021 serait de nouveau décerné à un noir, les éditions Albin Michel ont réédité le roman. Il surprend par son oralité. Maran cherche à faire partager le rythme de la parole des Noirs, le souffle qui parcourt la brousse. Ici, par exemple, avant un incendie. Yeah ! L'imbala, éléphant aux entrailles, toujours pleines de flatulence. Il n'est plus temps de barrir. Vous, les Bengoué, vous, les Vungba, vous feriez bien de ne plus affouiller vos bauges d'un groin vorace. Enfuyez-vous, ventre à terre, la peur faisant de vos intestins une foirade, plus vite que la flèche, plus vite que le vent, comme si derrière vous, tout à coup, vous aviez entendu Bamara, le lion, rugir. Alors cela dit, en 1921, ce n'est pas tant le style de Maran qui requiert l'attention que le portrait qu'il fait de l'administration coloniale. D'autant que son père en était, et qu'il lui appartient aussi, les habitants des îles, les Antilles, mais aussi la Corse, trouvaient une échappée dans ces métiers. René Maran déteste l'isolement auquel le condamnent les postes de commis de quatrième classe, puis de secrétaire de troisième classe, qui sont les siens. Fonctionnaire noir d'une autorité blanche, il peint de manière cruelle les colons qu'il doit fréquenter. Sa préface à Batoila est dévastatrice. Rien que des figures bouffonnes de blanc. J'en ai connu un, écrit-il, qui buvait 80 bouteilles de whisky par mois. Et ne me parlez pas de fraternité, ajoute-t-il. Si le mot a quelque valeur pour les Français de France, ceux des colonies ne lui en reconnaissent aucune. Bon, on devine qu'après le Goncourt, les relations de Maran avec l'administration coloniale sont devenues détestables. Bah oui, en 24, il en a démissionné. Il vit à Paris quand la revue nègre de Joséphine Baker arrive dans la capitale. Il veut croire, comme elle, que les artistes de France sont des frères en esprit, qu'ils diffèrent totalement des Français des colonies. Et ils sont nombreux parmi les Noirs de Paris à penser de même dans ces années. Un vœu du Conseil de Paris du 19 novembre demande qu'il soit donné le nom de René Maran à un établissement culturel. Alors on en saura bientôt davantage sur la longue vie parisienne de Maran. Un colloque international à Dakar ce week-end. Un autre est prévu à Bangui le 1er décembre. Une rencontre le même jour à la BNF à Paris. La position de Maran n'était pas facile. Les témoignages de ses engagements pour les Noirs ne manquent pas. Mais en même temps, il lui fallait gagner sa vie par sa plume, qu'il prêta à nombre de publications sous pseudonyme, encensant l'Empire français. En 1941, il publia ainsi sous son nom un ouvrage à la gloire de Savornian de Brazza qui ne devait pas défendre le ralliement au général de Gaulle de son ami le gouverneur Félix Eboué qui était le responsable à l'époque de l'AEF, d'Afrique équatoriale française, et auquel plus tard il consacrera un dithyrambe. Maran mourra oublié. L'année des indépendances en 1960, c'est dans la longue histoire du mouvement afro-antillais un homme de l'entre-deux qui dessine une butte témoin. Et les éditions Albin Michel ont donc réédité Batoila de René Maran, Goncourt 1921, il y a un siècle. France Inter.